بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours sur le manhaj salafi, la salafiyya. Avant le séminaire, il y a un frère, jazahullah khairan, qui m'a demandé est-ce que ces cours peuvent être adaptés aux gens de la masse ou aux débutants. Et oui, ces cours-là, ce sont des cours pour les débutants. Ce ne sont pas des cours dans lesquels on va aborder des sujets difficiles à comprendre. Mais il est important que tout un chacun, nous sachions quel est le manhaj salafi, quels sont les fondements du manhaj salafi. Et donc ces cours sont convenables aux débutants, aux salafis confirmés, comme on dit, aux anciens et même aux non-salafis. Ceux qui ont entendu parler de la salafia et qui veulent savoir ce que c'est. On entend parler de ça dans les médias, tout le monde en parle, barakallahu fik. Tout le monde en parle dans les médias, etc. On veut savoir ce que c'est que le manhaj salafi. Et donc il est important d'apprendre. Et c'est ce qu'on va voir, inshallah ta'ala, tout au long de ce séminaire. Et aujourd'hui, on verra donc les spécificités du manhaj salafi. Quelles sont donc les spécificités de ce manhaj? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va distinguer le manhaj salafi des autres voies? Alors, nous avons premièrement l'attachement ferme au monothéisme pur et au fait d'appeler les gens au monothéisme, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette particularité fait partie des, ou du moins est la plus grande particularité des salafis. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète qui leur ordonnait d'adorer Allah et de délaisser et de s'éloigner du tarout. Le tarout, parmi les explications que les savants ont citées du tarout, il y a tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui en est satisfait. Ou alors, tout ce qui va entraîner le serviteur à dépasser ses limites parmi les divinités, les leaders et les gouverneurs et autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance à appeler les gens au tawhid. Il était sur son lit de mort et il appelait au tawhid et interdisait le shirk. N'exagérez pas me concernant, il disait. N'exagérez pas me concernant comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. N'exagérez pas me concernant comme ont exagéré les chrétiens avec Issa, fils de Maryam. Et donc il appelait sallallahu alayhi wa sallam au tawhid. Le Coran tout entier appelle au tawhid, comme l'a montré Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et d'ailleurs, parmi les particularités du tafsir, pour ceux qui ont déjà vu tafsir al-Fatiha, on voit clairement que Allah tabaraka wa ta'ala commence son livre avec le tawhid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi que nous implorons le secours et l'aide. Et donc le tawhid au début du Coran, le tawhid à la fin du Coran, avec Al-Mu'awidhatain, les deux dernières sourates du Coran, aussi abordent le sujet du tawhid. Et juste avant, sourate Al-Ikhlas. Et cela nous montre l'importance du tawhid dans notre religion. Nous avons aussi, parmi les spécificités du manhaj salafi, le fait de suivre particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une condition dans l'adoration. Le fait que tes actes d'adoration soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une condition pour tous ceux qui prétendent aimer Allah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي. Dites, Si vous aimez Allah, suivez-moi alors. Et donc c'est une condition pour toute personne qui prétend aimer Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge des conflits qu'il y aura entre eux. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et qu'ensuite, après cela, ils ne trouvent dans leur cœur aucune gêne liée à ce que tu auras décidé, à ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent pleinement. Et donc les salafis se soumettent aux ordres et aux commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager. Et parmi les principes et les spécificités du manhaj salafi, il y a le fait, comme on a vu précédemment, de suivre les salafs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a vu avec les preuves qu'on a citées, que je ne vais pas répéter, mais ici, j'aimerais bien vous lire un passage. Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi, rahimahullah, il dit dans Sharhu أصول اعتقاد أهل السنة مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان. Notre voie ainsi que notre choix, ce que nous avons choisi, c'est le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar. Et le fait de s'accrocher à la voix des gens du athar, des textes, des récits, des compagnons, des hadiths. Et donc le fait de s'accrocher à ces gens-là, comme Abi Abdillah Ahmed ibn Hanbal, ainsi que Ishaq ibn Ibrahim, Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam, wa Shafi'i, wa luzum al-kitab wa sunnah, wa dhabu anil a'immati al-muttaba'ati li athari al-salaf. Et le fait de s'accrocher fermement au Coran, au livre et à la sunnah. Et le fait de défendre les imams qui suivent les traces des salafs. Les imams, le fait de défendre les imams qui suivent les traces des salafs, les traces des compagnons. Wa ikhtiyaru ma ikhtarahu ahlus sunnah min al-a'immati fil amsar. Et le fait de choisir ce que les imams des gens de la sunna ont choisi, tels que Malik ibn Anas à Médine, Al-Awza'i au Shem, Wal-Layth ibn Sa'ad, Bi-Misr, en Égypte, Wa-Soufyan al-Thawri, Wa-Hammad ibn Zayd, en Irak. Et donc ce texte, cette parole, elle nous montre l'importance, elle nous montre plusieurs points importants chez les gens de la Sunna. Le fait de s'accrocher au livre et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre les compagnons et l'importance des ulama. Il y a aussi parmi les spécificités du manhaj salafi, il y a le fait que celui-ci soit fermement ancré et enraciné. Ce qui est voulu ici, c'est qu'il ne va pas changer en fonction de la politique, en fonction de la communauté, en fonction du gouvernement. Le manhaj reste le même. Il reste le même. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'accepte pour vous l'islam comme religion. Et donc la religion est complète. Elle ne change pas en fonction d'un lieu ou d'une époque. Et cela fait partie des spécificités du manhaj salafi. Il y a parmi les spécificités du manhaj salafi Il y a le fait d'être juste. Et ce que je veux dire par là, le juste milieu. Qu'ils ne sont pas dans l'exagération, ni dans le laxisme. Les salafis ne vont pas être dans l'exagération des extrémistes. Et ils ne vont pas être dans le laxisme de ceux qui ont délaissé leur religion. Mais ils vont suivre le juste milieu. Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Et ainsi nous avons fait de vous une communauté juste. Dans le tafsir, ils nous disent une communauté qui adopte la justice et une communauté du juste milieu. Et donc, l'islam, qui est le manhaj salafi, est dans le juste milieu entre les juifs qui ont cherché à tuer Isa alayhi salam et qui l'ont taxé et qui l'ont insulté du moins et qui l'ont rabaissé, qui ont cherché à le rabaisser et qui ont mécru en lui. Et donc l'islam, c'est le juste milieu entre les juifs et les chrétiens qui ont exagéré quant à Isa ibn Maryam alayhi salam. L'islam, c'est le juste milieu entre les juifs qui vont voir que la femme menstruée ne peut rester dans la maison. Elle ne peut rester dans la demeure de son époux. Et c'est le juste milieu donc entre les juifs et les chrétiens. Quant aux chrétiens qui voient qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme ait des rapports avec son époux durant ces périodes de menstruation. L'islam authentique, l'islam pur, le juste milieu entre les khawarij qui vont taxer des musulmans de mécréance pour des péchés dans lesquels ils sont tombés. Et entre les murji'a qui eux voient que la personne ne sort pas de l'islam. Et donc le manhaj salafi, c'est le juste milieu. Et ce point-là, barakallahu fikoum, c'est important qu'on le montre aux gens. Car les gens aujourd'hui, à notre époque, à cause des médias, ils veulent essayer de... Les médias essaient de montrer que le manhaj salafi n'est pas le manhaj du juste milieu. Ils essaient de nous coller aux extrémistes. Et donc il est important d'expliquer aux gens notre manhaj. Certains même me disent « Ah, mais vous rigolez en fait. Ça vous arrive de rigoler ?»« Ah, je ne savais pas. Je pensais que c'était interdit pour vous. » »« Ah ben oui, si tu regardes la télé tous les jours, c'est sûr qu'ils vont te faire croire n'importe quoi. » Et donc il est important qu'on explique cela à nos proches, nos voisins, qu'on leur montre que nous avons la religion du juste milieu. Sache, barakallahu fik, que ton comportement a un grand impact, a un gros impact dans ce sujet. Lorsque certains ne vont pas adopter le bon comportement avec leurs voisins, vont adopter une dureté exagérée avec leurs voisins, et que leurs voisins vont penser que c'est ça l'islam, que c'est ça la salafia. Tout ça parce qu'une personne n'a pas compris quel est le comportement que tu dois adopter avec un tel ou un tel ou un tel. Et parmi les spécificités de ce manhaj, justement, on a al-shumuliyya. C'est-à-dire que ce manhaj est général et englobe toute chose, tout sujet de notre vie. Allah tabaraka wa ta'ala a complété notre religion. Et il a parachevé sur nous ses bienfaits. Cette religion est donc complète. Ce n'est pas comme certains veulent une religion que tu pratiques à la mosquée. À la mosquée, tu es musulman à la mosquée. En dehors de la mosquée, sois comme tout le monde. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son prophète « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin ala sharika la » dit « Mes prières, mes rites, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Toute ma vie appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu parles comme un salafi, tu marches comme un salafi, tu manges comme un salafi, tu choisis tes fréquentations comme un salafi, tu te maries comme un salafi, tu éduques tes enfants comme un salafi. » Et tu fais la hijra comme un salafi. L'imam muslim, rahimahullah, a cité dans son recueil, selon Salman al-Farisi, radiallahu anhu, qui fut interrogé, ou du moins, certains voulaient se moquer de lui, قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. Votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins. Il vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins. Il a répondu Salman Ajel, bien sûr. Bien sûr. قد نهانا أن نستقبل القبلة برائت أو بول. Certes, notre prophète nous a interdit de nous mettre en direction de la Qibla lorsque nous devons uriner ou déféquer. Et il nous a interdit de nettoyer nos parties après avoir accompli nos besoins par la main gauche, par la main droite, excusez-moi. Il nous a interdit de nous nettoyer avec moins de 3 pierres. وَنَهَانَا أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. Elle nous a interdit de nous nettoyer avec un excrément animal ou un os. Donc il lui a montré, oui, il nous a tout appris, même les besoins. Même lorsque tu rentres chez toi, ce que tu dois dire. Même lorsque tu manges, ce que tu dois dire. Et quand tu as fini de manger ou de boire. Lorsque tu vois tes frères, lorsqu'on commence une assise, lorsqu'on finit une assise. Et donc notre religion est complète. Et on ne peut pas nous empêcher de pratiquer notre religion à l'extérieur des mosquées. Si on te force à pratiquer ta religion que dans la mosquée, alors pars. Certains, malheureusement, ils attendent qu'on leur empêche de pratiquer leur religion même dans la mosquée. Là, ils vont dire, ah oui, là c'est bon. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre ce sujet. Parmi les principes du manhaj salafi et les spécificités de ce manhaj, il y a l'alliance et le désaveu. Il y a l'alliance et le désaveu. Le fait d'aimer et de détester. Et donc les gens de la sunna, les salafis, ils vont aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que celui qui a en lui 3 caractéristiques aura goûté aux délices de la foi. Parmi celles-ci, que lorsqu'il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre « وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Cependant, Allah, il vous a fait aimer la foi. Et il l'a embellie dans vos cœurs. Et il a fait que vous détestez la mécréance, la transgression et le péché et la désobéissance. Alors ceux-là, ce sont eux, Ar-Rashidoun, ceux qui sont bien guidés et ceux qui suivent la bonne voie. Et l'alliance et le désaveu chez les salafis, chez les musulmans qui pratiquent un islam pur, n'est pas comme l'alliance et le désaveu chez les hizbiyyins. On a déjà vu ici, dans ce centre, on a déjà vu aussi à la mosquée de Villeruy, parce qu'apparemment il y a des gens de Villeruy aussi, on a vu la définition d'El Hizbiya, le sectarisme. On a vu la définition du sectarisme. Qu'est-ce que le sectarisme ? Qu'est-ce que le sectarisme ? Et donc le sectarisme, c'est le fait de défendre une parole ou une croyance qui est contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'appliquer l'alliance et le désaveu sur cela. Exemple, une personne va taxer un musulman de fornicateur. Il l'insulte et certains vont défendre cela. Ou alors une personne va diviser les musulmans. Non, ne vous asseyez pas avec eux. Ne vous asseyez pas avec eux. Ils ne reviendront pas. Les savants essaient de réunir, ils essaient de réunir. Et celui-là, il vient, il dit non. Ça, c'est contraire à notre législation. Notre législation nous appelle à l'union. Et donc, il vient avec des éléments qui contredisent notre législation. Certaines personnes vont défendre cela. et vont appliquer l'alliance et le désaveu. Ils vont appliquer l'alliance et le désaveu. Ah, tu n'es pas d'accord avec nous? Eh bien, c'est toi aussi t'en sois fouque. Toi aussi t'en sois fouque. Etc, etc. Ça s'appelle du sectarisme. Et ces gens qui ont fait cela sont dans une secte. Et c'est pour cela que parfois je suis étonné quand certains me disent « Ouais, c'est un salafi, mais il est avec les moussafika. » Attends, réexplique-moi, t'as dit quoi? Est-ce que tu peux réexpliquer? C'est un salafi moussafik, yani? Et donc, il est important de comprendre, barakallahu fikoum, parmi les principes des gens de la sunna, il y a l'alliance et le désaveu. Et ce n'est pas une alliance, c'est un désaveu qui sont doyik, qui sont limités à une personne. Tu aimes mon cher, je t'aime bien. Tu n'aimes pas mon cher, je t'aime pas. Non, c'est pas ça. C'est la sunna. Est-ce que ceci est conforme à la sunna ou pas? Parmi les spécificités du manhaj salafi, il y a les répliques. Les répliques à ceux qui contredisent la vérité. Et ça fait partie du manhaj salafi. Ça fait partie de l'islam. On le verra tout à l'heure dans le tafsir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda » مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme éclaircissement et guidé, après l'avoir clairement montré aux gens dans le livre, alors ceux-là sont ceux que maudissent Allah. Alors ceux-là sont ceux que Allah maudit ainsi que les maudisseurs les maudissent. Et donc tu ne peux pas cacher la vérité. Parmi les spécificités du manhaj salafi, est qu'ils vont dire la vérité. Une personne se trompe, ils vont dire que cette personne s'est trompée. Afin de préserver la croyance des musulmans, tel savant s'est trompé, ils vont dire tel savant s'est trompé. Afin de préserver l'islam, afin de préserver la croyance des musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daouda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun » Ceux qui ont mécru parmi les enfants de Benu Israël, ceux qui ont mécru parmi les descendants de Israël ont été maudits par la langue de Issa et Daoud. Ceci à cause de leur transgression et de leur désobéissance. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient. Ahlu sunnati wal jama'a ordonnent au bien et interdisent le mal. Allah qui nous dit concernant ceux qui font cela, wa ulaika humul muflihun. Et ceux-là sont ceux qui ont réussi. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Ils ne viennent à toi avec aucune ambiguïté sans que nous venions avec la vérité et une meilleure explication. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre a répliqué à toutes les ambiguïtés des mouchriquines. À chaque fois qu'il venait avec une ambiguïté, il répliquait à cette ambiguïté. Et aujourd'hui, certains vont nous dire « Ah non, mais les livres de roudoud, les livres de répliques, etc. Moi, laisse-moi apprendre, le faire, que je n'ai pas du temps, il faut que j'apprenne la aqida. » Oui, on ne va pas contredire ça. Il faut que tu apprennes la aqida, il faut que tu apprennes le faire, il faut que tu apprennes aussi les répliques. Ça fait partie de l'islam. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément sortir ce principe de l'islam? De la même façon que d'autres, ils veulent sortir l'alliance et le désaveu. Vous, c'est ça qui ne vous plaît pas, d'autres, c'est autre chose. Soumettez-vous pleinement à la religion. Et parmi les principes et les spécificités des gens de la sunna, du manhaj salafi, il y a l'union, comme on a cité précédemment. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku » Accrochez-vous tous au câble d'Allah. Le Coran, la Sunna, la guidée. Et ne vous divisez pas. Voilà pourquoi les gens de la Sunna appellent à l'union. Il met en garde contre l'innovation qui va semer la division dans la communauté musulmane. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Enfin, pour maintenant, on reprend tout à l'heure, je pense après la salat, pour le cours de tafsir, bi'idhnillah.